Lors des jours, mon oiseau journal, madame qui besoin au jardinier. Lors des jours, mon oiseau journal, madame qui besoin au jardinier. C'est moi-même qui n'a pas nécessité. Moi, oui, ouais, si va m'aider. Si tu vois, madame la monsieur, on va pas quoi t'avancer. Petit garçon, osé jardin là. Petit garçon, osé jardin là. Si tu vois, comment est-ce que tu as des gars où tu peux me la poser jardin là. Petit garçon, osé jardin là. Petit garçon, osé jardin là. Si tu vois, comment est-ce que tu as des gars où tu peux me la poser jardin là. 3 mois après. J'ai des plaies, madame, sans vie, sans beauté. Toutefois, si d'agir, je veux retirer, moi, dans mes lits. Madame, on dit, fais-t'en. Vous connaissez bien, moi, pas d'abord. Et puis, dit, je vais vous accompagner ici, c'est pour qu'on va poser jamais là. Les garçons, osez jamais là. Osez, les garçons, osez jamais là. Si tu vois ça, moi, il t'a demandé qu'à où tu pompes là pour poser jamais là. Malgré fatigué, moi, pas de moyen pour mal reposer. À tout soleil chaud, moi, tellement je suis mal couché sous dos. À la moitié, maintenant, vous connaissez bien, moi, pas d'abord. Définitivement, c'est pas pour ça qu'on vient ici, c'est pour qu'on va poser jamais là. Les garçons, osez jamais là. Les garçons, osez jamais là. Si tu vois ça, moi, t'as des mélèques où tu prends pour l'amour, osez jamais là. Les garçons, osez jamais là. Les garçons, osez jamais là. Si tu vois ça, moi, t'as des mélèques où tu prends pour l'amour, osez jamais là. Chaud, mal couché sous dos. Madame, dis-moi maintenant, maintenant. Au vous connaissez bien moi pas d'accord. Et puis je dis de pas vous accompagner ici, c'est pour qu'avoir posé jardin. Posé jardin là, les garçons posé jardin là. Si c'est ouais, c'est moi, t'as des mélèques à vous souvenir là, vous posé jardin là. Les garçons posé jardin là, posé vous. Les garçons posé jardin là. Si c'est ouais, c'est moi, t'as des mélèques à vous souvenir là.